Moi j'avais envie de soleil de paradis, mais je vois toujours tout. Ouais, je vois toujours tout. Pour moi c'est fini, je vois passer des lundis en me disant qu'est-ce qu'on fout. Trop de mots d'amour, j'ai pas envie de perdre ton temps. Trop de mots tout court, j'ai plus envie de faire semblant. Après quoi je cours, c'est moi-même, je sais pas vraiment. J'ai pas le temps pour faire des histoires qui vont dans le vent. Je crois que moi, je flirte avec les regrets. C'est pas toi le problème si jamais je rentre pas. Faire ma clé, on sait jamais. Des fois, je me sois perdu en soirée. Trop de mots d'amour, j'ai pas envie de perdre ton temps. Trop de mots tout court, j'ai plus envie de faire semblant. Trop de mots d'amour, j'ai pas envie de perdre ton temps. Trop de mots tout court, j'ai plus envie de faire semblant. Après quoi je cours, c'est moi-même, je sais pas vraiment. J'ai pas le temps pour faire des histoires qui vont dans le vent. Could've broke my heart respectfully. Nothing I could do to save this now. We're sinking in town, down on the ground. Don't need your love, don't need it now. I'm safe and sound, I'm moving on. I'm learning how to love myself without your touch. And I already know that it wasn't always easy, but I never thought. But now that you're gone, I can finally be happy. I wish you the best, but don't you dare come near me. Je crois que moi,